Chant numéro 32. Donc, ce contemplateur, tout entier à sa joie, assuma librement l'office de docteur, commençant son discours par ces saintes paroles. La blessure coignit et que guérit Marie, ce fut la belle femme assise au-dessous d'elle, qui l'avait fait ouvrir et qui l'envenima. Au troisième degré que composent ces sièges, est assise Rachel auprès de Béatrice, comme tu peux le voir, un peu plus bas que l'autre. Sarah et Rebecca, Judith la bisaïeule, de ce chantre royal qui disait dans ses vers « Miserere mei, regrettant ses erreurs », suivent, comme tu vois, de gradin en gradin, toujours en descendant dans l'ordre de leur nom, formant de haut en bas de la fleur les pétales. Du septième gradin jusqu'en bas, comme aussi du sommet jusqu'à lui, une file de juives divise en longueur la tête de la rose. Car, suivant le regard dont on considéra la foi de Jésus-Christ, elles forment le mur d'où prennent leur départ ces escaliers sacrés. Du côté le plus proche, où tous les pétales semblent s'épanouir, tu vois rester assis ceux qui crurent d'abord dans le Christ à venir. Et de l'autre côté, dont le vide interrompt par endroits les degrés, restent assis ceux-là qui fixaient leur regard sur le Christ advenu. Comme de ce côté le trône glorieux de la Dame du Ciel, avec les autres sièges, se trouve au-dessous, formant comme un palier, il fait aussi pendant au trône du grand Jean, qui toujours assis saint a souffert le désert et le martyr, et puis l'enfer pendant 2 ans. Et au-dessous de lui, complète la coupure, François, avec Benoît et avec Augustin, et d'autres jusqu'en bas, passant de cercle en cercle. Admire ici de Dieu l'insigne providence, car l'un et l'autre aspect de cette même loi doivent également remplir tout ce jardin. Et sache aussi qu'en bas du gradin qui distingue 2 étages égaux dans les 2 hémicycles, on ne réside pas par son propre mérite, mais par celui d'autrui sous certaines réserves. Car ce sont les esprits de tous ceux qui sont morts sans avoir disposé de tout leur libre arbitre. Tu peux t'en rendre compte aisément au visage et s'il en est besoin, à leur voix enfantine, si tu regardes bien ou si tu les écoutes. Tu doutes maintenant, mais sans vouloir le dire. Je te dégagerai de ces fortes entraves dans lesquelles t'empêtre en pensée trop subtile. Dans tout ce que comprend le royaume d'ici, nulle place n'est faite au jeu du pur hasard, à la soif, à la faim ou bien à la tristesse, car tout ce que tu vois se trouve organisé par la loi éternelle, en sorte que partout, comme la bague au doigt, tout se trouve à sa place. C'est pourquoi cette Jean, qui courut la première au bonheur éternel, n'est pas distribuée sans raison ici-haut, en plus ou moins parfaite. Car le roi, grâce à qui ce royaume repose au sein d'un tel amour et de telles délices, qu'aucune envie en vous n'oserait davantage, créant joyeusement et avec bienveillance les esprits, les dota de grâces inégales, selon son bon plaisir. Le résultat suffit. Par ailleurs, l'Écriture exprime clairement la même vérité, parlant de ces jumeaux qui s'étaient irrités dans le sein de leur mère. C'est par nécessité que la clarté d'en haut couronne dignement, en respectant toujours la couleur de cheveux de la grâce connue. Si donc ils sont placés sur des degrés divers, ils ne le doivent pas au mérite des actes, mais à la qualité de leur vertu innée. Il suffisait jadis, pendant les premiers siècles, pour gagner le salut, en plus de l'innocence, le gage unique et seul de la foi des parents. Puis, quand des premiers temps fut revolu le cycle, la circoncision fournissait seule au mâle la force nécessaire à leur aile innocente. Et depuis que le temps de la grâce est venu, si l'on n'ajoute point le baptême du Christ, cette même innocence est reléguée en bas. Regarde maintenant le visage où le Christ paraît plus ressemblant, car sa seule splendeur pourra te préparer à contempler le Christ. Et je le vis baigné d'un si parfait bonheur que venaient lui offrir les esprits sacro-saints créés pour survoler de si hautes contrées, qu'aucun objet de ceux que j'avais vus avant n'avait produit en moi tant d'admiration et ne s'était montré si ressemblant à Dieu. Et cet amour qui fut le premier à descendre devant elle, en chantant un Ave Maria Grazia Plena, vint étendre ses deux ailes. Alors, de toutes parts, le cœur des bienheureux répondit aussitôt à ce divin cantique, et sur chaque visage on voyait plus de joie. Je dis, ô Père Saint, qui consentis pour moi à rester ici-bas, délaissant le doux lieu où l'éternel décret avait fixé ta place. Quel est cet ange-là qui si joyeusement regarde dans les yeux de notre sainte reine et avec tant d'amour qu'il paraît embrasé? C'est ainsi que je fis appel à la doctrine de celui qui prenait sa beauté de Marie, comme fait du soleil l'étoile du matin. Et il me répondit. L'assurance et la joie, pour autant qu'elles sont dans un ange et dans l'âme, sont entières en lui. Nous l'aimons bien ainsi, car Marie a reçu sur la terre la palme des mains de celui-ci, lorsque le Fils de Dieu a voulu se charger du poids de notre corps. Mais suis-moi maintenant du regard, à mesure que je vais te parler, et contemple les princes qui forment cette cour de justice et de foi. Les deux qui sont assis tout en haut, plus heureux comme étant d'Augusta les plus proches voisins, de cette sainte fleur sont comme de racines. Celui qui reste assis près d'elle et à sa gauche est l'ancêtre commun dont le goût trop osé fait goûter l'amertume à l'espèce des hommes. À sa droite, tu vois le Père vénérable de notre Sainte Église, à qui jadis le Christ a confié les clés de notre belle fleur. Et celui qui connut, étant encore en vie, tous les temps les plus durs de cette belle épouse, dont l'amour fut acquis par la lance et les clous, est assis près de lui. Tu vois auprès l'autre chef, au temps duquel s'était nourri de manne un peuple rebelle, inconstant et ingrat. Juste en face de Pierre, Anne a sa place assise, et son bonheur est tel de contempler sa fille, qu'elle chante Hosanna sans la perdre des yeux. En face du plus grand des pères de famille, tu vois Lucie aussi, qui t'envoya ta dame, lorsque le front baissé, tu courais à ta perte. Mais puisque le temps fuit, qui te pousse à rêver, faisons un point ici, comme le bon tailleur qui coupe son habit selon le drap qui reste. Et vers l'amour premier, dirigeons nos regards, pour qu'en le contemplant, tu puisses pénétrer autant qu'il est possible à travers sa splendeur. Pourtant, comme je crains que le vol de tes ailes ne te porte en arrière, en pensant avancer, il te faut, en priant, demander cette grâce. Cette grâce de celle où le secours abonde. Tu devras donc me suivre avec le sentiment pour ne pas écarter ton cœur de mes paroles. Alors, il commença cette sainte oraison.